Exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, traduit sur le texte espagnol par le Père Pierre Génesseau, J. de Gigor, éditeur, 1913. De trois manières de prier. Première manière de prier. 1. Sur les commandements de Dieu. La première manière de prier consiste à réfléchir sur les 10 commandements de Dieu, les 7 péchés capitaux, les 3 puissances de l'âme et les 5 sens corporels. Aussi, est-ce plutôt un exercice spirituel très utile à l'âme et qui la dispose à offrir à Dieu une prière qui lui soit agréable, qu'une méthode ou manière de faire oraison proprement dite. En premier lieu, on fera l'équivalent de la seconde addition de la seconde semaine. C'est-à-dire l'addition dont il est parlé dans la cinquième remarque, après la cinquième contemplation du premier jour de la seconde semaine. Cet exercice préliminaire consiste à se reposer un peu l'esprit avant de commencer à prier, ce que je ferai assis ou en me promenant, comme il me semblera plus avantageux, considérant attentivement où je vais et à quelle fin. Cette addition doit se faire au commencement de toutes les manières de prier. Note. Au commencement de toutes les manières de prier. Quoique cet avis regarde spécialement les trois manières de prier dont parle ici l'auteur des exercices, on peut cependant l'appliquer à toutes sortes de prières, soit vocales, soit mentales, soit longues, soit courtes. Et si on le met fidèlement en pratique avant de commencer à prier, on ne pourra manquer d'en tirer un grand profit spirituel. La sainteté de la prière demande de nous cette préparation, et nous avertit de ne point passer tumultueusement de nos occupations ordinaires ou peut-être vaines, à une action sublime qui nous met en rapport avec Dieu et avec ses saints. Un homme de beaucoup d'expérience recommandait à quelques prêtres, auxquels il donnait les exercices, d'écrire sur un papier de la grandeur d'une image, et de conserver dans leur bréviaire ces paroles. Avant de me mettre à prier, me reposer un peu l'esprit, considérant où je vais, et pourquoi. Et il ajoutait que cet exercice de recueillement avant toute prière était si efficace, principalement pour des prêtres et des personnes religieuses, que seul il pouvait être la source des plus grandes grâces d'une haute sainteté. L'expérience n'en est pas difficile, mais dans l'usage de ce moyen, comme de tout moyen de perfection, il faut de la constance. De quel bien solide peut être capable un esprit léger et changeant? Fin de la note. Dans une prière préparatoire, je demanderai à Dieu, notre Seigneur, la grâce de connaître en quoi j'ai manqué aux 10 commandements. Je lui demanderai aussi la grâce et le secours nécessaires pour me corriger à l'avenir et l'intelligence parfaite de ses préceptes, afin de les garder plus fidèlement, à la plus grande gloire et à la plus grande louange de sa divine majesté. Note. Une prière préparatoire. Ce n'est plus l'oraison préparatoire ordinaire, comme dans le cours des exercices, mais une prière préparatoire qui change avec la matière de la considération. Fin de la note. Puis, venant au premier commandement, je considérerai et j'examinerai comment je l'ai observé et en quoi je l'ai transgressé. Cet examen durera ordinairement le temps de dire 3 fois le Notre Père et 3 fois le Je vous salue Marie. Si dans cet espace de temps je découvre des fautes, j'en demanderai pardon à Dieu et je réciterai le Notre Père. Je ferai la même chose pour chacun des 10 commandements. Note. Cet examen durera ordinairement, mot à mot, tenant pour règle, il suffira ordinairement, le plus souvent, d'y employer ce temps, mais quelquefois on devra même l'abréger ou le prolonger, comme il est dit plus bas. Je demanderai à Dieu pardon. Textuellement, grâce et pardon, ou pardon et rémission. Le pardon s'accorde à la culpe, la rémission à la peine. Remarquez encore que ce n'est pas en récitant le pater que l'on doit demander pardon, mais il faut d'abord demander pardon, puis réciter l'oraison dominicale. Fin de la note. Remarque. Lorsqu'on s'examine sur un commandement que l'on ne transgresse pas ordinairement, il n'est pas nécessaire de s'y arrêter aussi longtemps. Mais, en général, on donnera plus ou moins de temps à la considération d'un précepte et à la recherche des fautes commises contre ce précepte, suivant que l'on se trouvera plus ou moins sujet à y manquer. Cette remarque s'applique également aux péchés capitaux. Après avoir achevé l'examen sur tous les commandements, et m'être accusé moi-même devant Dieu, je lui demanderai la grâce et le secours qui me sont nécessaires pour me corriger à l'avenir, et je terminerai par un colloque à Dieu, notre Seigneur, conformément à l'exercice que je viens de faire. Note. Conformément à l'exercice que je viens de faire. C'est-à-dire conformément aux résultats de mon examen et aux dispositions actuelles de mon âme, rendant grâce à Dieu si, par sa miséricorde, il est quelque commandement sur lequel je n'ai point de reproche à me faire, m'excitant au repentir des fautes que j'ai commises contre plusieurs, demandant la grâce et les secours qui me sont nécessaires pour observer fidèlement ceux que je suis plus exposé à transgresser dans mon état, et m'excitant spécialement à la haine des péchés opposés à ces commandements. 2. Sur les péchés capitaux. Après l'addition, on fera l'oraison préparatoire comme dans l'exercice précédent. L'unique différence est qu'il s'agit ici de péchés que l'on doit éviter, et que là il s'agissait de commandements que l'on doit observer. On suivra, du reste, l'ordre que nous avons tracé, on observera pour le temps la règle que nous avons donnée, et on terminera par un colloque. Pour obtenir une connaissance plus claire des fautes que nous aurons commises, nous considérerons les vertus opposées aux sept péchés capitaux, et, afin que notre résolution de les éviter soit plus efficace, nous nous efforcerons, par de saints exercices, d'acquérir et de posséder les sept vertus contraires à ces vices. 3. Sur les trois puissances de l'âme. On suivra le même ordre et on gardera la même règle que pour les commandements, sans omettre l'addition, l'oraison préparatoire et le colloque. 4. Sur les cinq sens. Pour les cinq sens corporels, la méthode est toujours la même, la matière seule est changée. Remarque, celui qui, dans l'usage de ses sens, veut imiter Jésus-Christ, notre Seigneur, se recommandera dans l'oraison préparatoire à sa divine majesté, et, après s'être examiné sur chacun des sens, il récitera le « Je vous salue Marie » ou le « Notre Père ». Et celui qui, dans l'usage de ses sens, désire imiter Notre-Dame, la priera, dans l'oraison préparatoire, de lui obtenir cette grâce de son Fils et Seigneur, et, après l'examen de chaque sens, il récitera le « Je vous salue Marie ». Seconde manière de prier. La seconde manière de prier consiste à peser attentivement la signification de chaque parole d'une prière. L'addition de la première manière de prier doit se faire également dans la seconde. L'oraison préparatoire sera relative à la personne à laquelle s'adresse la prière que l'on va méditer. Après l'addition et l'oraison préparatoire, à genoux ou assis, selon la disposition du corps et l'attrait de l'âme, les yeux fermés ou fixés en un même endroit, sans les laisser errer de côté et d'autre, on dira la première parole du Notre Père. Et on s'arrêtera sur cette parole autant de temps que l'on trouvera de signification, de comparaison, de goût et de consolation intérieure dans la considération du titre de Père. On fera de même sur chaque parole du Notre Père, ou de toute autre prière que l'on voudra méditer selon cette même manière de prier. Note. À genoux ou assis. Il ne sera pas inutile de faire sur ce passage la remarque que nous avons faite au commencement de la première manière de prier. Ces deux points, recommandés par l'auteur des exercices, de choisir une position en rapport avec la disposition actuelle de l'âme ou du corps, comme un moyen pour arriver à notre fin, et de tenir les yeux fermés ou fixés en un endroit sans les laisser errer de côté et d'autre, sont d'excellents moyens pour favoriser le succès de toute prière, quel qu'en soit le mode. Que l'on ne s'imagine donc pas qu'il ne regarde que cette seconde manière de prier. Note. Autant de temps que l'on trouvera de signification. Il faut chercher, et chercher avec soin, pour trouver enfin ce que l'on désire. Saint Ignace attache la plus grande importance à cette idée de chercher, de considérer. Il veut que l'on s'arrête dans la considération, et, si l'on trouve du goût, que ce soit dans les considérations. Lorsqu'une seule parole ne forme pas un sens, il faut en prendre plusieurs, comme qui êtes aux cieux, ou que votre nom soit sanctifié. Mais il est des mots qui peuvent être médités séparément, comme Pater Noster. Directoire, chapitre 37, numéro 9. En français même, que l'on sépare ou non les deux mots Notre Père, il n'en présente pas moins deux idées distinctes. Note. Autant de temps que l'on trouvera de comparaison. Les comparaisons ou les similitudes quand elles se présentent dans l'oraison, sont ordinairement très utiles, et pour le goût intérieur, et pour le progrès spirituel. Aussi voyons-nous qu'elles furent très familières aux saints les plus adonnés à l'oraison. C'est même le plus souvent par cette voie que l'Esprit Saint daigne spécialement éclairer et instruire les âmes. Il ne faut donc pas se contenter de les effleurer, mais s'attacher à découvrir avec le plus grand soin les différents rapports qui peuvent exister entre l'objet et le terme de la comparaison. Cette remarque sur les comparaisons et les similitudes doit s'appliquer, comme les précédentes, aux diverses sortes d'oraisons mentales. Fin de la note. Première règle. On emploiera une heure à méditer ainsi tout le Notre Père, et après l'avoir terminé, on récitera vocalement ou mentalement, de la manière ordinaire, c'est-à-dire sans pause, le « Je vous salue Marie », le Credo, la prière âme du Christ et le Salve Regina. Deuxième règle. S'il arrive qu'une ou deux paroles fournissent, même pendant l'heure entière, une matière suffisante à la réflexion, et que l'on trouve à les méditer, du goût et de la consolation spirituelle, on ne se mettra pas en peine de passer outre, mais, l'heure écoulée, on récitera de la manière ordinaire le reste du Notre Père. Troisième règle. Supposez que l'on se soit arrêté une heure entière sur une ou deux paroles du Notre Père, le jour suivant, quand on voudra reprendre la même prière, on dira de la manière ordinaire la parole, ou les paroles que l'on a déjà méditées, puis on commencera à réfléchir sur celles qui suivent immédiatement, comme il a été dit dans la seconde règle. Note. Le jour suivant. Textuellement, un autre jour, ordinairement le lendemain, d'après les paroles de l'alinéa suivant. De manière que pendant quelque temps on s'exerce toujours sur l'une de ces prières. Fin de la note. Première remarque. Après avoir terminé en un ou plusieurs jours le Notre Père, on méditera, selon la même méthode, le « Je vous salue Marie », et ensuite les autres prières, en sorte que l'on continue pendant quelque temps cet exercice sans interruption. Note. et ensuite les autres prières. Celles, ce semble, qui sont indiquées dans la première règle de cette seconde manière de prier. On peut cependant, d'après les paroles qui précèdent immédiatement la première de ces règles, méditer selon cette méthode les autres prières de l'Église, l'Ave Maria Stella, le Pange Langa, le Veni Sancte ou le Veni Creator Spiritus, etc. Et celles auxquelles on n'aurait plus de dévotion, comme le Subtium, le Memorare, et autres semblables. Un directeur expérimenté conseillait de méditer de la sorte les prières du matin et du soir, le Benedicite, les Grâces, quelques endroits du bréviaire, l'ordinaire de la messe surtout, et généralement toutes les prières que l'on récite souvent vocalement. Fin de la note. Seconde remarque. À la fin de l'oraison, on s'adressera à la personne que l'on a priée, et on lui demandera en peu de paroles les vertus ou les grâces dont on éprouve un plus pressant besoin. Troisième manière de prier. La troisième manière de prier est comme en mesure. Note. En mesure. L'expression espagnole, compas et diapason, signifie une mesure en général, et en particulier celle qui divise régulièrement les sons et en détermine la durée. Cette métaphore, empruntée à l'art musical, rattache à cette même manière de prier une idée de pieuse harmonie, qui fait succéder un soupir à une pensée sainte, une respiration enflammée à un ardent désir, réalisation touchante des paroles extatiques du roi prophète, « Mon cœur et ma chair ont tressailli dans le Dieu vivant. » Psaume 83, 3. Fin de la note. L'addition sera la même que dans la première et la seconde manière de prier. L'oraison préparatoire, comme dans la seconde manière de prier. Cette troisième manière consiste donc à prier de cœur et à dire de bouche, à chaque respiration ou soupir, une parole du Notre Père ou d'une autre prière, de manière à ne prononcer qu'une seule parole entre une respiration et l'autre. Et l'espace de temps qui s'écoule d'une respiration à l'autre doit s'employer à considérer spécialement la signification de cette parole, ou l'excellence de la personne à laquelle la prière s'adresse, ou notre propre indignité, ou la différence entre temps de grandeur d'un côté, et de l'autre tant de bassesse. On prononcera de la même manière toutes les paroles du Notre Père, puis on récitera les autres prières, c'est-à-dire le « Je vous salue Marie », l'âme du Christ, le Credo et le Salve Regina, selon la manière ordinaire de prier. Première règle. Le jour suivant, ou à une autre heure du même jour, où l'on désirerait prier de cette manière, on récitera le « Je vous salue Marie » en mesure, et les autres prières selon la manière ordinaire de prier, et ainsi des autres que nous avons indiquées. Note. Et ainsi des autres. Après avoir récité une fois, ou un jour, selon cette manière de prier, le « Pater Noster », on récitera la fois suivante l'Ave Maria, puis une autre fois l'Anima Christi, puis enfin les autres prières, de la même manière. L'auteur des exercices suppose, dans cette règle, que l'on ne récite selon cette même manière de prier qu'une prière chaque fois, puisqu'il avertit de réciter ensuite les autres de la manière ordinaire. Mais, dans la seconde règle, il permet d'en dire plusieurs, et même, de les dire toutes. Il ne recommande pas non plus d'employer à cette même manière de prier une heure entière ou un temps déterminé, mais on peut s'y exercer plusieurs fois le jour suivant, ou à une autre heure du même jour. Fin de la note. Seconde règle. Celui qui voudrait prier plus longtemps selon cette troisième manière peut réciter de suite plusieurs des prières marquées ou même toutes, mais toujours en ne proférant qu'une parole d'une respiration à l'autre, comme il a été expliqué. Note. Priez plus longtemps. Plus de temps qu'il n'en faut pour ne réciter, selon cette troisième manière, qu'une des prières indiquées. Markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org Université de Toronto, Université d'Ottawa et livremystique.com, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.